chômeur contre l'humain, fermons le laisser, fermons le laisser. Donne gâche ma malagueuse, Arsenden, voye pénibendi. Que l'autre encore chumba, sa tourbi sa tourbi lasse. Que le gâche ma malagueuse, lui Arsenden, Arsenden, voye pénibendi.